Oui, ici le manoir Wayne. Un instant, je vous prie. Un appel téléphonique, monsieur, de la part du docteur March. Alors, quoi de neuf, docteur ? Bienvenue sur le 15e épisode du blog Révolution et Liberté. Comme vous le savez, le podcast agrège de plus en plus de flux et du coup cet épisode il va être divisé en deux parties. On va s'intéresser en premier lieu à l'avenir du podcast et notamment des différentes démarches que je suis en train de faire pour essayer de transformer le podcast en une émission radio. Donc mardi, j'irai chez Radio Liberté, chez la librairie Publico, pour rencontrer l'équipe de Radio Libertaire pour lui présenter mon podcast que je fais maintenant toutes les semaines et même plutôt tous les quelques jours, parce qu'en ce moment je suis vraiment déterminé, j'ai envie de faire progresser la chose. Et que je voulais parler un peu de la différence entre le podcast stricto sensu et une émission de radio-télévision. Donc un podcast, il faut savoir que pour ma part, j'ai la chance d'avoir un home studio dans mon petit appartement et d'avoir aussi un petit endroit. Et que, comme vous le savez, il est vraiment plus facile de faire un enregistrement à la maison qu'un enregistrement sur radio. Mais l'avantage de la radio, c'est qu'elle permet d'avoir un accès direct aux auditeurs. Une chose qu'on n'a pas forcément dans le podcast, parce que finalement, dans le podcast, dans le cadre dans lequel je suis actuellement, c'est les personnes, elles écoutent l'émission et ça s'arrête là parce que sur la plateforme sur laquelle je gère les podcasts, qui s'appelle Podcloud, qui est une station de podcast assez géniale, vachement facile à mettre en œuvre, et que si un jour vous avez envie de faire du podcast, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme, vous verrez, tout est indiqué. Comment transférer les fichiers. Bon, c'est vrai, il faut passer par une plateforme tiers et que cela suggère de créer un nouveau compte. Mais au final, c'est très intéressant, quoi. Et que de cette richesse que j'ai pu acquérir au cours des mois, parce que ça fait plusieurs mois maintenant, enfin même des dizaines de mois, quasiment un an, que je suis sur les cahiers libertaires. Alors on peut se poser des questions, puisque pourquoi avoir nommé les cahiers libertaires et pas les cahiers communistes? Parce que mon blog, c'est plutôt un blog communiste. Bon, la raison en soi, elle est vachement simple. C'est que dans mon communisme, à moi, tel que je le défends, c'est un communisme vachement libertaire. Hein. Et ce communisme, il a besoin d'avoir une revue. Et que à l'époque, il y avait de nombreuses revues qui s'appellent les cahiers machin chouette. Et il y a toujours des revues récentes qui s'appellent les cahiers comme les cahiers français, qui est une super revue, ceci dit, sans être chauvin, et que ça permet d'apporter un autre regard du monde que le regard capitaliste. Parce que dans une société telle qu'on l'a, c'est une société capitaliste qui va de plus en plus vers le néolibéralisme. Et franchement, les travailleurs, ils en prennent vachement gros, quoi. Puisque d'un côté, Macron, il nous dit qu'on est des feignants, que Wauquiez, il dit qu'on est des assistés, que le Front National, qui s'appelle maintenant le Rassemblement National, qui nous explique qu'on peut être heureux avec un SMIC. Bon, toute cette matrice dominante du capitalisme, il faut vraiment qu'elle change. Et elle ne peut changer que si on donne des outils aux prolétaires, c'est-à-dire aux travailleurs, pour s'ancrer solidement dans le présent Et surtout aller vers des luttes vers le futur, quoi. Parce que le capitalisme, c'est vrai que c'est un monstre d'argile, c'est un monstre plutôt qui a les pieds en argile, et que finalement le capitalisme il peut basculer à chaque instant, et que le capitalisme en soi il ne tient que parce que les personnes elles font perdurer le capitalisme. Bon, je sais pas si je suis clair. Mais dans le cas présent, l'émission telle que je la conçois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais mardi, j'ai rendez-vous à la librairie Publico, parce que je les ai appelés samedi, et je voulais avoir davantage d'informations. Et du coup, j'en ai eu, et que le rendez-vous serait à 19h. Bon, c'est vrai que c'est un peu tard parce qu'en ce moment, je travaille pour passer le bac, mais ça, c'est un peu ma vie privée. Et que du coup, là, en ce moment, je suis vraiment dans les révisions. Mais ceci dit, comme je vais reprendre le travail là où je suis, en EHPAD, à la Croix-Rouge, qui s'appelle plutôt la Croix et la Bannière, mais passons. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce serait faire des émissions sur Radio Libertaire le vendredi soir, entre 21h30 et 22h, jusqu'à 23h30, minuit. Comme ça me permettrait d'avoir un créneau entre 1h et 2h. Comme ça, on pourrait faire des émissions de radio avec un sujet bien précis. Et je pense que prochainement, le temps que je m'adapte, parce que on m'a dit qu'il y avait des créneaux de disponibles, donc ce serait une émission sur une thématique bien précise. Et dans cette émission, on accorderait 15 minutes à la lutte contre l'extrême droite. Parce que je pense que dans une société où, soyons réalistes, l'extrême droite fait 60%, en considérant que La République En Marche est un parti d'extrême droite, vu qu'il reprend le programme de Jean-Marie Le Pen de 1981, et que son slogan c'était Europe Le Pen Liberté, mais si on met Europe Macron Liberté, ça marche vachement bien, et que c'était un projet ultra fédéraliste avec une monnaie commune et surtout la chasse aux immigrés. Et on se rend compte que dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, le Front National de l'époque, il a quand même voté avec La République En Marche sur la loi Asile et Immigration, mais aussi ils ont voté sur la loi dite des Gilets jaunes, sur la création. Enfin, sur l'augmentation de la prime d'activité, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, et ainsi de suite. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement, tout comme l'ensemble des néolibéraux, ont tout de même freiné des quatre pieds pour donner des mesures finalement qui plombent plus le déficit du pays. Que créer une augmentation des salaires qui permettrait une augmentation de la TVA, une augmentation des impôts et tout relancer la machine. Ensuite, on a les deux partis, on a les républicains et on a un parti, c'est les républicains. Bon, c'est un parti ultra-libéral, ultra-conservateur. Et bon, vous serez certainement pas déçu de savoir que pour beaucoup, ils défendent le programme également en plus hard de Jean-Marie Le Pen de 1981. Et on en arrive à ce que finalement, on ne serait pas dirigé par un parti de centre droit, mais par une espèce d'axe d'extrême droite et ultra droite, et que. Dans ce contexte, il faut vraiment expliquer ce qui se passe et le décortiquer. Et je pense qu'en 15-30 minutes, faire un petit dossier d'actualité, ce serait vraiment pas mal, quoi. Ensuite, en ce qui concerne vraiment plus mes convictions sur vraiment la dernière partie de l'émission, ce serait parler de l'antispécisme. Bon, je ne sais pas vraiment si ça va être accordé par Radio Libertaire, mais c'est vrai que si on parle quand même du communisme, qui est quand même la mise en commun de l'ensemble de la propriété privée, bon, ce qu'il faut savoir, c'est tout de même, c'est que le communisme, il défend la valeur de l'égalité. Et que le spécisme, lui, ne défend pas la valeur de l'égalité, puisqu'il considère que finalement, que l'être humain est supérieur par rapport aux autres espèces. Dans le cadre du réchauffement climatique et de la mise en avant de la sixième extinction des espèces, il me semble que ça me paraît très cohérent d'essayer d'inviter des personnes, essayer d'inviter des, pourquoi pas des camarades sur l'émission pour qu'on puisse débattre ensemble. Et je pense qu'aussi que ce serait vraiment très intéressant de faire un débat sur le côté animalisme et féminisme. Bon, ça va être difficile de trouver des personnes compétentes qui ne soient pas racistes, qui soient égalitaires, mais je pense que ça peut le faire. On peut trouver des personnes qui soient déterminées. Et dans le cadre présent, je pense qu'on peut traiter une partie de l'émission. Notamment à propos de Vincent Lambert. Donc, comme vous le savez, certainement la famille de Vincent Lambert, et notamment ses parents, ont décidé de tenter un recours devant le tribunal administratif pour empêcher que leur fils ne subisse pas l'arrêt de soins. Donc Vincent Lambert, c'est la figure par excellence de la lutte pour l'euthanasie en France. Mais allons plus loin, c'est aussi une lutte contre les différentes sectes catholiques, et notamment les traditionalistes. Et parce que ces derniers, ils sont contre, ils sont pro-life, c'est-à-dire ils sont contre l'IVG, ils sont contre la mise à mort d'une personne. Toutefois, on constate que la question du consentement de Vincent Lambert pose énormément de questions, parce que dans des pays comme la Belgique, la position de ses parents n'emporte pas du tout sur la décision médicale. Et il faut savoir aussi que la femme de Vincent Lambert connaît les choix de son mari mieux que ses parents, et qu'aujourd'hui, il faut que les parents admettent les choix de leur fils, et le choix de leur fils était de mourir dignement. Aujourd'hui, Vincent Lambert est dans un état végétatif, et c'est-à-dire il vit, mais il n'est plus conscient qu'il vit. En d'autres termes, il est déjà mort. Il est mort de manière psychique, puisque son état il est irrémédiable. Et que à cause des différents courants d'extrême droite, et notamment des traditionalistes et des lefébristes, on arrive à une situation que, à chaque décision médicale d'arrêter les soins de Vincent Lambert, les parents de Vincent Lambert montent au créneau et déposent des recours devant le tribunal pour empêcher l'arrêt des soins. Donc on peut se poser une question, mais pour qui se prennent-ils ? Ils disent défendre leur fils, mais en fait, ils ne défendent pas leur fils, puisque leur fils, en soi, il est totalement légumisé, quoi. Et même pour les traditionalistes, qui sont quand même des fervents, farouches défenseurs du néolibéralisme, et des thèses néoclassiques et classiques, hein, parce que les deux vont ensemble, c'est que ces gens-là sont contre la sécurité sociale, ils sont pour une assurance privée, ils sont pour une prise en charge davantage des mutuelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Vincent Lambert, il coûte des millions et des millions et des millions chaque année à la sécurité sociale et à sa mutuelle. Et que cet argent qui est dispensé dans ses soins, il pourra aller vers d'autres personnes qui en ont réellement besoin, dont leur famille accepte que leurs proches soient dans un accompagnement palliatif. Mais en tant qu'aide-soignant en maison de retraite, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ce podcast, les soins palliatifs sont des soins qui sont censés accompagner la personne vers la fin de vie. Or, c'est exactement le cas dans lequel nous sommes. Et justement, la famille de Vincent Lambert, ses parents, ils n'acceptent pas qu'il soit en fin de vie et que sa vie, en soi, elle ne tient que grâce aux soins. Et que tant que le personnel médical et paramédical, il s'occupera de lui, Vincent Lambert pourra, en soi, avoir le cœur qui battra. Et que, comme on dit, il aura le cœur qui battra, donc il vivra. Mais il reste quand même un poids lourd pour la société. Et ce débat, il relance quand même la question de l'euthanasie, parce qu'en France, l'euthanasie est quelque chose d'assez tabou, alors que nos voisins en Belgique, en Suisse, ils pratiquent soit le suicide assisté ou soit l'euthanasie stricte. C'est une didactique, mais ils permettent à ce que la fin de vie pour la personne soit la meilleure possible. Et quand on parle de fin de vie, on parle évidemment de mourir le plus dignement possible. Et du coup, dans le cadre de Vincent Lambert, ça aurait été super chouette si l'euthanasie existait. Comme ça, on lui aurait injecté une bonne pompe à morphine. Et dans l'heure qui suivait, la souffrance de Vincent Lambert était totalement capoute, quoi. Et que cela permettrait à ce que sa femme souffle, et apparemment il aurait des enfants, et que sa femme et ses enfants, bah, ils passent à quelque chose d'autre. Et que du coup, comme il passerait à quelque chose d'autre, il pourrait se reconstruire et ne serait pas dans la bataille juridique. Et d'ailleurs, on constate que la famille de Vincent Lambert, enfin ses parents, ils ont énormément d'argent, quoi, parce que il faut sortir de l'argent pour les avocats, pour les différents procès. Mais il faut que les Français se rendent compte, et toutes les personnes qui vivent sur le territoire français, que cette situation, finalement, elle est la résultante du fait de nier que, à un moment donné dans la vie, parfois, lorsqu'on est dans des cas irrécupérables, il faut euthanasier la personne. Pas parce qu'on a envie de la voir mourir, mais c'est parce que tôt ou tard, la personne, elle va mourir. Et justement, parce que la personne, elle va mourir, il faut l'accompagner dans le fait de décéder dignement. Alors, dans l'état actuel de la législation, on arrête la nutrition et l'hydratation de la personne. Et que pour la famille, on sait déjà qu'ils sont vraiment pas du tout d'accord. Enfin, quand je parle de sa famille, pour éviter de me ré répéter à chaque fois, c'est plutôt ses parents. Et que quand le cas de Vincent Lambert sera totalement adjugé vendu, quand Vincent Lambert sera décédé, à un moment donné, il faudra ouvrir un grand débat en France sur la question de l'euthanasie. Parce que Vincent Lambert, c'est quand même la figure du manque de législation en France et de l'euthanasie. Et que, comme je le disais, dans les autres pays, comme en Suisse ou en Belgique, bah c'est simple, l'euthanasie et le suicide assisté existent, il n'y aurait pas eu de débat, Les parents, ils auraient pris leur clic et leur claque, et ils auraient dégagé, et on aurait mis une bonne claque à toutes ces sectes catholiques, ultra-droites et identitaires qui nous vendent le pro-life à mort. Mais en fait, ils sont contre l'IVG, ils sont pour la peine de mort, et qu'à un moment donné, il faut leur couper l'herbe sur le pied, quoi. Ça ne peut plus durer, et il faut leur dire de manière claire et nette, hein, il faut pas avoir peur de mâcher leurs mots. Les groupuscules d'extrême droite qui nous font les leçons de vie, oui, la vie c'est sacré, la vie c'est sacré, mais pour, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la vie pendant qu'il y a quelqu'un qui est à moitié mort sur son lit et qui impose des soins vachement hardcore à un personnel soignant, qu'il soit médical ou paramédical, et que ce personnel soignant, il regarde et dit, mais finalement, on fait des soins pour rien, parce que les soins que nous réalisons, c'est des soins qui ne servent à rien. Et parce que les soins ne servent à rien, on se doute bien qu'à un moment donné, il faudra que la famille prenne à sa charge le coût que coûte à la société l'hospitalisation de Vincent Lambert. Et parce qu'on décide, à un moment donné, de faire stop, là, ça ne peut plus durer, quoi. Et s'il faut leur mettre des coups de gifle ou des coups de matraque dans la gueule, il faudra leur en faire, quoi. Parce que ces gens-là, ce sont des extrémistes, des réactionnaires, des obscurantistes. Et que, pour terminer cet épisode, j'espère vraiment que Vincent Lambert, il va pouvoir décéder dignement et que le recours que la famille de Vincent Lambert a mis à son encontre, bah, il sera rejeté et qu'au final, sa femme et ses enfants pourront passer à autre chose et reconstruire leur vie en admettant que voilà, il y a une page qui s'est tournée, mais aussi il faudrait que la sécurité sociale elle refuse de donner l'ensemble, elle refuse de payer l'ensemble des frais que Vincent Lambert coûte à la société. Ça, ce serait plus logique. Donc voilà, cet épisode est terminé et je vous retrouve peut-être une prochaine fois sur Radio Libertaire, qui sait. Allez, ciao !